3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, il se passe quoi? On est lundi, c'est Avenix Week, c'est l'épisode 104? Ouais, 104 déjà. C'est sur KNFTV, et comme vous le savez, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle d'Enix. Je suis toujours fidèlement accompagné de Seb, et qui est Choubix. Comment vas-tu, Seb? Contrarié. Contrarié? Oh, bah alors, qu'est-ce qui se passe? Les défaites, sûrement. Ouais. Les défaites, la défaite, sûrement. Contrarié, mais un bon pronostic. Normalement, on pourrait être... pas contrarié, mais bon... J'avais dit 2-1, j'avais pas dit 1-2. Je sais plus. Eh, vous regarderez l'épisode en replay. Moi, j'avais dit 3-0, je suis contrarié. Mais ça ne va pas nous empêcher de beaucoup parler d'Enix. Il y a encore beaucoup de choses à dire, comme vous le savez à chaque fois. On perd pas plus de temps, on lance le petit jingle, on regarde leur rétro de la semaine dernière. Rétro de salut à tous. Allez, c'est parti, on lance le jingle et on regarde ce qui s'est passé et pourquoi Seb est contrarié. Allez, c'est parti. Peut-être que c'était les chutes de neige? Non, c'était pas ça. C'est pas ça qui a contrarié notre ami Seb. On va le savoir dans quelques instants. Mais avant tout ça, on vous rappelle ce qu'il est important de rappeler, à savoir que c'est ce vendredi. Et oui, le vendredi de cette semaine, le 29 novembre. On approche du mois de décembre. Oui, winter is coming, encore un peu plus. La neige, on verra si elle va tomber à flot. En tout cas, ce qu'on va espérer qu'il va tomber à flot, ça va être les paniers pour les Knicks sur cette soirée de vendredi, le Friday Night Knicks. Le première KNF Viewing Party un vendredi. On profite du fait d'avoir un match à heure très raisonnable, hein. Une rencontre à 18h et donc une viewing party qui commencera à 17h30 dans notre repère habituel. Vous connaissez l'adresse depuis un petit moment. On est un peu quasiment des résidents, hein, de cette adresse. Le Hideout Paris Gare du Nord. Donc on vous donne rendez-vous nombreuses et nombreux pour se retrouver pour cette première KNF Viewing Party de la saison 2024-25. Toujours organisée gratuitement. Et oui, c'est important de le rappeler. Dans ce monde où beaucoup de prix augmentent, beaucoup de prix flambent, eh bien, les KNF Viewing Parties, ce ne sont des soirées que l'on vous réserve gratuitement. Vous pouvez venir accompagner. Bien sûr, toutes vos consommations sont à régler au niveau de l'établissement. On peut boire et se régaler, se désaltérer et se rassasier pendant un bon petit match d'Enix. En tout cas, voilà, c'est ce vendredi à partir de 17h30 que nous vous accueillerons à Paris, Gare du Nord, au Hideout, l'établissement que vous connaissez déjà dans notre petit espace privatisé, pour une affiche contre les Charlotte Hornets à Charlotte, hein, match de cup, donc on aura un parquet spécial pour l'occasion, à voir si les frelons vont nous donner le bourdon, mais en tout cas on espère passer une bonne petite soirée en votre compagnie et ça sera ce vendredi. Donc voilà, tout de suite on démarre la semaine et l'épisode avec ce rappel qui est important pour pas louper le rendez-vous. Voilà, loupez le rendez-vous. Il y aura d'autres rendez-vous, bien sûr, et on vous communiquera ça prochainement. Mais en tout cas, c'est le premier rendez-vous pour une viewing party. On avait fait déjà un Oops Factory il y a quelques semaines de ça, au moment des vacances de la Toussaint. Donc, on va être très content de vous retrouver sur ce deuxième événement associatif de l'année. Bon, il y aura des événements un peu plus tard. Il y aura aussi un voyage, ça, vous en avez entendu parler. Il reste encore quelques places. Donc, si vous êtes encore un petit peu indécis, si vous avez l'envie, finalement, de vous envoler pour New York ou pour Miami, parce qu'on a deux voyages associatifs cette saison, sachez que c'est encore possible, mais il va pas falloir traîner parce que ça se ferme. Donc, voilà. Les amis français. Surtout que bah, le Madison Square Garden, on aura l'occasion d'aller le visiter deux fois cette saison encore. Une fois contre les Atlanta Hawks pour le MLK Day. Une affiche un peu atypique, un peu historique aussi. Pour la réception des Golden State Warriors en mars. Et le Madison Square Garden, bah, c'est tout simplement la salle, l'aréna de NBA, la mieux notée par rapport à un panel de votants. J'avoue, je ne sais pas qui a mis ses étoiles, mais une note de 87,6, c'est pas mal. En deuxième partie, la Crypto.com Arena que nous avions visitée là, il y a deux saisons de ça, 82,6. Bon, on les met un petit peu à 5 points derrière. La Kasaya, c'est comme ça qu'on dit. La Kasaya Center, qu'on aura l'occasion de visiter pour le second voyage, le Grand KNF Trip en mars. Et bien voilà, c'est la troisième salle. Donc pas mal. Et puis derrière, Orlando et Chicago qui viennent compléter ce ranking. Bon, on a tendance à dire en tant que Knicks fan que le Madison Square Garden, c'est la plus belle salle, c'est la meilleure salle. Des fois, c'est peut-être un regard qui n'est pas très très objectif. Il y a de belles salles qui se sont créées. Pas plus tard que cette saison, hein, l'Intuit Dome, c'est comme ça qu'on appelle, à Los Angeles pour accueillir les Clippers, à voir si elle conquiert le cœur des fans des Clippers, des Angelinos et voir d'autres. Mais en tout cas, le Madison Square Garden, ça reste la salle qui est... Leur mur rouge. Ouais, leur mur rouge, leur mur de supporters. Bon, il n'y a pas besoin de mur de supporters, hein, Onyx. Hein. C'est dans toute la salle qu'il y a des supporters d'Enix. Et puis même dans des salles de... Comme au Orlando Magic, à Orlando, il y a pas mal de Knicks fans aussi toujours présents. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est un classement que New York domine. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Surtout que c'est une salle qu'on apprécie, bien évidemment. Bon, une salle qui servira de décorum pour le match de Noël. Bah oui, mais les Knicks sont encore une fois au programme de Noël. C'est assez régulier. C'est une tradition. Parfois, ils sont en visite. Ils sont à l'extérieur. Cette année, ils vont réceptionner. Ils vont accueillir, qui ça? Les Texans. Les Texans de notre grande souris. Je ne sais pas si c'est une souris, mais en tout cas, de notre ami Victor Wembanyama. Et pour l'occasion, la NBA nous a annoncé que ce match serait aussi sous une thématique Disney. Alors, on va avoir du Mickey, du Donald, du Daisy, du je ne sais plus qui d'autre. Un petit peu curieux, cette annonce. Il y aura une version animée du match. Je ne sais pas sous quel support ça pourra être visible, hein, après peut-être Disney+, en tout cas sur ESPN, ils mettront peut-être quelques séquences, de là à ce qu'on voit des dingueries, des choses pour les enfants. Je ne sais pas quelle est cette drôle d'approche. Effectivement, Disney dispose d'une partie des droits avec le groupe Disney, Warner et compagnie. Pour la NBA, on se souvient de la bulle à Orlando sur le site de Disney World. Mais voilà, sur Noël, ils vont avoir une attention particulière. Tu regarderas en mode Disney, toi, le Christmas Day Game avec les enfants, Seb? Je pense pas, déjà que pour l'instant, ils sont pas en âge d'être passionnés par le sport en général à la télé. Et non, je pense que moi, je vais le regarder en mode normal. Cette rencontre. Passe de plutôt dans le corner pour Dingo qui fait un airball. Allez, oublions les souris et parlons du chat. Après, ça peut être un bon délire, hein. Ça peut être. Ouais, on regardera par curiosité, mais juste sur quelques séquences ou par replay, quoi. Oui, passons de la souris au chat. Le 4 qui se plaît plutôt bien à New York, et il se plaît tellement bien que NBA 2K augmente sa note. Voilà, peut-être que il y avait des a priori sur l'acclimatation de Karl Anthony Towns à New York, et on peut se dire qu'en ce début de saison, même si les résultats collectifs sont peut-être pas au niveau espéré en termes de jeu individuel proposé par Karl Anthony Towns, on a un plutôt bon Karl Anthony Towns. Pour preuve, il est déjà à plus de matchs, à plus de 30 points, que ceux disputés sur l'entièreté de la saison dernière avec Minnesota, une équipe dans laquelle il était déjà acclimaté depuis bien longtemps. Karl Anthony Towns qui voit sa note augmenter dans NBA 2K. Vous les gamers, dites-nous si vous jouez à NBA 2K, si vous êtes content et si vous allez loin avec cette équipe d'Enix. Est-ce que vous gagnez plus de matchs avec l'équipe d'Enix sur NBA 2K que dans la vraie vie? On est curieux de savoir s'il y a des gamers et puis s'il y a des gens qui sont intéressés pour partager leurs identifiants, PlayStation Network ou autre, pour se retrouver, n'hésitez pas à mettre ça aussi en commentaire. On partagera tout ça avec la communauté. Bon, la semaine dernière, il y a eu aussi des petites news, des petits dramas, des petites déclarations qui sont venues un petit peu pimenter doucement cette semaine. Bon, ça n'a pas fait trop de bruit, mais il y en a deux. Une qui concerne l'affaire, on va mettre des guillemets, autour du père Brunson, qui, semble-t-il, a été sous la loupe. Alors ça, j'ai pas trop compris. De la NBA qui se demandait un petit peu quel était son rôle et pourquoi est-ce qu'il avait eu une promotion salariale. De quoi déjà il se mêle, la NBA, mm-hmm. Et puis là, après, d'ailleurs, le club a bien répondu en disant, ben, vu qu'on avait Johnny Bryant qui était parti du côté des Cavs, je crois, c'est bien Les ça, Cavs, ouais. ben, en fait, ben, il a récupéré ben, cette Son place. poste et son salaire. Voilà, c'est tout, quoi. Enfin, de quoi, je sais pas. Ah, disons que c'est un peu de la suspicion pour faire comprendre que pourquoi pas Jalen Brunson a baissé son salaire, mais que derrière c'est papa qui touche des dollars. Bon, voilà, c'est Oh, alors, un petit peu curieux. parce que son père, il est payé au différentiel en millions de dollars. J'aimerais bien savoir, tu vois, c'est quoi son. Évidemment qu'il est pas malheureux, son père, mais je pense pas qu'il prenne la différence entre la ristourne qu'a fait Jalen Brunson et le nouveau salaire de son père. Hein. Je pense pas. La ristourne qui est plus d'une centaine de millions de Oui. dollars, effectivement, je pense pas que Johnny Bryant avait ce contrat-là. Et même s'il y a quelques avantages en nature à travailler avec les Knicks, bon, je pense pas que sur la déclaration fiscale, notre ami Papa Brunson a récupéré l'argent laissé sur la table par Jalen. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est parce qu'on le voit souvent en photo, j'aimerais bien savoir quel est le véritable rôle de Maurice Chicks Dans ce coaching staff? dans ce coaching staff. Bah écoute, il Mais arrivait et je effectivement avec un petit peu son aura d'ancien coach, ancien joueur NBA, ancienne légende parce qu'il est toujours en NBA. retrait à l'arrière, on le voit. Alors Souvent au second rang, ouais. il doit parler aux joueurs, c'est évident parce que. Je crois qu'il est Hall of Famer, hein, Oui. Maurice Chicks. Donc je pense qu'il doit quand même parler un petit peu de son vécu aux jeunes joueurs et de son expérience. Et également, un que, pareil, j'ai l'impression qu'il avait un peu dégringolé dans la hiérarchie. Alors je ne voudrais pas épeler son nom. Il a un nom à consonance japonaise. Yoshi Yamamoto? Ouais, le coach de l'équipe de Summer League. Oui, Et entre autres, ouais. j'ai l'impression que lui aussi est passé un petit peu alors que il était. Alors, il est toujours délicat de savoir quel est le rôle et l'implication Ouais. réelle de chacun des comment dire des assistants coach. Il y a également Mark Bryant qui est arrivé cette saison, qui était auparavant un assistant coach à Phoenix. On l'a vu être salué dans le retour de nos nouveaux Bookers et des anciens Suns, comme Payne et Bridges. Mais effectivement, les rôles des uns des autres, c'est plus sur les shoot-around. C'est ce qu'on peut voir aussi, l'implication des assistants coach lors des routines d'avant-match. Et puis, bien sûr, au moment des training camps. Donc, c'est forcément des travailleurs un peu plus de l'ombre qui sont. Daisuke Yoshimoto, il est noté en tant qu'assistant coach Analytics Player Development. Voilà, ça veut dire beaucoup de choses et à la Et fois pas tout. tu vois les assistants coach avec ce seul et même rôle, il y a Daniel Brady, Andy Greer évidemment, hein, qu'on connaît, Otella Arrington, Rick Brunson et Darren Herman. Voilà, ce sont. Voilà, ces cinq mecs qui sont au plus proche de. De Tom Thibodeau et Ouais. des joueurs. Et tu vois, donc ça, je suis sur NBA.com, ce Knicks front office. Et tu vois, et Maurice Chicks, il est même pas mentionné. Ouais, il y a peut-être un problème de mise à jour, en tout cas, sur la référence des coaching staff. En tout cas, il est présent, on le voit, bien Ouais, sûr, il est à tous là, les mais. matchs. Mais voilà, il y a eu cette enquête, cette suspicion, en tout cas, autour du papa Brunson. Jalen qui est venu au créneau aussi pour défendre son père, ça va de soi. Et puis, l'autre déclaration, eh bien, c'est l'ami Zion. Zion qui est encore à l'infirmerie. Bon, voilà, on en Ah, le discute depuis pauvre, il a des pépins. son début de carrière. Il les collectionne et bah, il a changé d'agent. Il a changé d'agent, il était chez CEA auparavant, vous savez, la fameuse agence anciennement dirigée par l'ami Léon Rose. Et il a changé d'agent parce que selon les rumeurs, ça reste des rumeurs, il était déçu de ne pas avoir pu débarquer, arriver à New York. Est-ce que cet été, il y a eu des tractations, un possible trade de Julius Randle au Pels et en contrepartie Zion? On ne sait pas, en tout cas. Zion qui avait montré plutôt une belle forme la saison dernière, mais qui s'était terminé aussi par une blessure. Là, ce début de saison 2024-25 est plutôt compliqué pour les Pels et plutôt compliqué pour Zion qui est encore une Depuis sa fois touché. blessure, hein. Depuis sa blessure, ça a pris un. Et il a changé d'agent. Donc, est-ce que changement d'agent égale changement de destination prochaine? À voir. Est-ce que ça sera à New York? C'est très très peu probable, Du coup, compte tenu des assets donnés, des changements effectués cet non, été. mais du coup, vu qu'à la base, tu comprends qu'il avait signé avec cette agence pour aller au Knicks et que ça se fait pas, bah, il revoit ses plans. Mais je pense que déjà, avant de revoir ses plans de carrière, il faudrait peut-être revoir autre chose. Je sais pas, après, je parle comme ça veut rien dire ce que je dis, mais déjà, il faudrait que sa carrière se lance, on va dire, entre guillemets, quoi. Même si... Décolle, s'installe, se stabilise. Ouais, le problème, c'est quand tu vois le nombre de matchs. Je vous invite à aller voir, hein, vous allez sur Basketball Référence, vous faites le ratio entre le match de jouer, le match qu'il aurait dû jouer par saison, Et les matchs qu'il a réellement joués, et vous il y a un regardez un peu écart. au niveau des pourcentages qu'il fait. Disons que l'investissement sur le rendement est pas dingo, quoi. Alors quand tu joues, il est fort, hein. Quand tu joues, il est très bon, Le problème, c'est que il joue mais... peu de par les pépins physiques qu'il a accumulés sur toutes ces saisons. Et il est jeune, le problème c'est ça, c'est qu'il est jeune, il a déjà des gros pépins comme ça. Tu vois, souvent, il avait été comparé au tout début, tu te rappelles, à Larry Johnson. Mais la Ouais, vidéo. ou Charles Barkley en Mais. termes de joueur un peu à surpoids et Ouais, mais explosif. leur problème est arrivé bien plus tard dans leur carrière, tu vois. Il n'empêche qu'avant ça, ils ont eu quand même des carrières assez pleines où ils ont fait des Oui. choses. Des accomplissements et Exact. leur début de carrière NBA était quand même au niveau de la hype attendue en ce qui concerne Barkley et Ça. Larry Johnson. Au niveau de Zion, bah Là, non, il y c'est a un très chaotique, gros retard quoi. à l'allumage. C'est chaotique. Et s'il a déjà les genoux et le dos en vrac comme ça, quel âge il a? Il a 25 ans, 24 ans, 25 ans. Ouais, Il a donc l'âge de R.J. Barrett, de toute façon, c'est ça. c'est ça. C'est. Bref, il voulait New York. New York l'aurait peut-être voulu. Beaucoup de Knicks fans voulaient Zion plutôt que RJ, bien sûr. Auraient aimé choper ce numéro 1, ce first pick de draft. Eh bien, l'histoire en a décidé autrement. Et aujourd'hui, je pense que le projet, bah voilà, on est plus satisfait du projet et de l'état actuel de l'effectif, du plan de construction de l'effectif avec les joueurs qu'on a, qu'avec un Zion qui malheureusement accumule les pépins physiques. Donc voilà, on lui souhaitera bon courage à notre ami Zion, mais ça sera pas pour New York, ça sera pas pour tout de suite, ou alors au minimum fait, mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Un ancien, un vétéran qui a sûrement pris un petit contrat, bah c'est Jamal Crawford, ça y est, il a commencé ses débuts au micro avec l'équipe du MSG Network. On l'a vu sur le. Enfin, on l'a entendu, du moins, sur les premiers matchs du road trip à l'ouest. Voilà, Jamal Crawford, un joueur qu'on a bien aimé sur le terrain, qui Ouais. sur le micro, pour l'instant, je sais pas comment tu l'apprécies, en tout cas, il semble assez pertinent et il va tout le moins permettre de soulager notre ami la légende Walt Frazier pour ses déplacements. Donc voilà, un ancien qui prend le micro, qui revient dans le giron, dans la famille Knicks, ça fait toujours plaisir. Et nul doute qu'il aura des appréciations pertinentes, en tout cas, sur le jeu des Knicks et sur le jeu de la NBA qu'il a quitté il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il n'y a pas si longtemps qu'il a raccroché, hein, Jamal Crawford, il a eu une très belle carrière, une très longue carrière. Multiples fois sixième homme de l'année, donc Et jamais au Knicks. et jamais Onyx. Il les a gagnés partout ailleurs, mais pas Onyx, effectivement. Pas Mais Onyx. non, il était un joueur incroyable. Un joueur incroyable. Malheureusement, il est tombé dans la mauvaise période des Knicks. Passé par Chicago d'abord, et puis après arrivé un peu dans son prime, on va dire, presque. Il devait former la grosse paire Avec avec Marbury. Marbury. Et sur cette saison 2006, les Knicks, on oublie, mais beaucoup de choses auraient pu changer en 2006, sur la saison 2005-2006. Les Knicks n'étaient pas si mal que ça. Ils étaient autour des 7-8 au niveau des places playoffs. Je rappelle que le coach était Isaiah Thomas. Si ça se trouve, ça aurait changé toute son aura lui aussi. À une quinzaine de matchs de la fin, malheureusement, Blessure. la blessure de Jamal Crawford, saison terminée. Du coup, saison terminée, on va dire, pour les Knicks qui derrière vont enchaîner les défaites et n'accrocheront pas cette place pour playoff. Ça restera un what if, j'avais écrit dessus quand j'avais fait son quand Tout à j'avais fait, fait voilà. son Son son portrait. son, son portrait. Et d'ailleurs, Marbury en avait pleuré dans les médias en disant, quand il avait appris que la saison était terminée pour Jamal Crawford, parce que si ça se trouve, beaucoup de choses auraient changé si tu avais eu les Knicks qui étaient allés en playoff, Ouais, décrocher une place en playoff. sous Isaiah Thomas notamment. Si ça se trouve, tu vois, aujourd'hui, bon, il est conchier, mais si ça se trouve, l'aperçu aurait été tout autre si sur cette saison, à la fin de la saison 2006, t'accrochais les places playoff. Ça restera des what if, ça restera, ça fait partie des histoires, écoute, c'est comme ça. C'est pas le plus gros what if. On pense souvent à la Non. grosse traversée du désert d'Enix sur le début des années 2000. Mais effectivement, ça se joue des fois à pas grand-chose. Et juste se devenir playoffable. On parlait pas de play-in à l'époque, bien évidemment. Mais voilà, choper un spot 7 ou 8, une campagne de Aurait pu, ouais, play-off, pourquoi pas un totalement. petit Ouais. run. Ça aurait pu changer totalement la dynamique d'Enix à l'époque. Voilà, il suffit des fois de pas grand-chose, d'une blessure et toute l'histoire change. Mais il a eu une Bon. carrière fantastique après, hein, Jamal Crawford. Oui. Partout, et il a la particularité d'avoir marqué 50 points dans chacune Dans des plusieurs équipes. franchises. Ouais, je crois dans. Dans chacune, ouais, potentiellement, oui, Je effectivement, à crois New dans York. chacune des équipes où il a joué, il a marqué, il a fait un match à 50 points. Voilà, un scoreur avant tout, avant tout. Bon allez, Jamal Crawford au micro. Nous, on va regarder ce qui s'est passé sur les parquets de la Ligue cette semaine pour les Knicks. Il y avait trois matchs, petite semaine qui débutait par un match à domicile. Les Knicks recevaient les Washington Wizards, l'équipe la plus faible, ou quasiment la plus faible, de la conférence Est. Ça devait permettre de pouvoir prolonger la série de victoires qui était en cours. Et on ne va pas perdre de temps, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Une belle et large victoire, 134-106. Voilà, avant de partir en road trip, ça permettait d'emmagasiner de la confiance, d'essayer de faire tourner l'effectif. On a vu un petit peu plus de temps de jeu équilibré de par ce blowout. Tom Thibodeau qui a utilisé tout son effectif disponible, Ouais. même Matt Ryan, même Jacob Toppin. Voilà, ils n'ont pas fait que du passage de Gatorade, ils ont pu passer 3 minutes sur le terrain. Tyler Collect, 17 minutes. Qu'est-ce qu'on peut noter? 18 minutes également de Pacome Dadier. Cameron Payne, qui était pas mal décrié en ce début de saison, qui est pas forcément le joueur le plus apprécié. On préfère le chouchou Tyler Colec. Mais Cameron Payne, qui en 23 minutes nous sort 17 points, plutôt à son aise. Et ça a permis un petit peu de soulager le banc avec le starting 5, pardon, avec 25 minutes seulement de Karl-Anthony Towns, mais 24 points, 12 rebonds. Bon, voilà, un match qui a été dominé par les Knicks, un blowout. Ni plus ni moins. Je sais pas si tu as des éléments qui te reviennent en tête par rapport à cette rencontre. On se rappelle de cet énorme dunk de Jericho Sims. Ben oui, parce que Jericho Sims, il commence à montrer des belles choses. On va pas s'emballer non plus, hein. C'est pas, ça va pas nous changer la vision totale qu'on peut avoir sur le joueur. Mais il y a du mieux, il y a du plus propre en tout cas. C'est correct en tout cas de la part de Jericho Sims. Et il nous met un gros dunk sur un pick and roll servi par Jalen Brunson. Voilà, ça a un petit peu fait sourire et les images ont tourné après le match. Voilà, qu'est-ce que tu as retenu de ce match face aux Washington Wizards, privé de Bilal Koulibaly, pardon, il faut le noter. On va dire des Wizards diminués, mais bon, des Wizards qui de toute façon vont avoir une saison compliquée. Compliquée pour eux. Ouais, qu'est-ce que. J'ai bien aimé les minutes de Pacome Dadier. On en avait parlé la semaine d'avant en disant bah, à voir si c'est un peu pérennisé le fait que il soit rentré dans la rotation devant Matt Ryan. Ça m'a été confirmé sur ce match. J'ai beaucoup aimé l'énergie qu'il a mis, la défense qu'il a mis. 3 sur 6 3 sur 6 à 3 points. Bon, joli, C'est correct, c'est correct. voilà, joli ratio. Donc j'ai bien aimé ça. Après, non, après, voilà, tu mets 40 points d'entrée dès le premier quart. Bon, tu as compris que le match était bien lancé et que ça allait ronronner, quoi. Donc voilà. Non, pas plus à dire. Je pense qu'on parlera d'un autre joueur à la fin de la semaine. Ouais. Voilà. Je pense que certains Mais ont. globalement, les starters n'ont pas forcé. Un Mikal Bridges, encore une fois, un peu en Mais c'est difficulté au de lui shoot. que je voulais parler à la fin de ces trois matchs, Bon. quoi. Mais voilà, sur ce match-là, il n'y avait pas péril dans la demeure, puisque de toute façon, les Knicks étaient quand même largement Non, au-dessus. ouais. Voilà. Un blowout, Washington, une victoire facile. Bon, voilà. C'est bien, ça permet de faire jouer le banc, ça c'est cool à chaque fois, donc c'est tant mieux quoi. En plus. Là, sur ce type de rencontre, il n'y avait pas du tout de difficulté à avoir une rotation. Tom Thibodeau a pu ouvrir son banc comme il le fallait, de par la physionomie du match et l'écart assez important pris d'entrée de jeu. Ouais, un joli double-double pour encore une fois la passe pour Jalen Brunson avec ses 26 points et 11 passes. C'est bien la passe, ça ce qu'il fait. Hein. Tu sens Cette que. saison, Ouais, effectivement. il fait plus se jouer et C'est vraiment bien ce qui est. Je trouve qu'entre lui, ses passes extérieures de décalage et ce que fait Karl-Anthony Towns, très très surpris de son jeu de passe. Je m'attendais pas trop à ça. Et c'est vrai que c'est super intéressant de l'avoir finalement dans ce rôle plus que pouvait avoir Isaiah Hartenstein. C'est-à-dire ben, ce rôle un peu de Vos pivot qui passeurs. joue haut, qui sur autour duquel tout s'organise. Et encore une fois, on en avait parlé, cette bonne entente, cette bonne alchimie qui se développe Avec OG. avec OG Anunoby. Donc non, non, il peut trouver des passes, les passes dans le dos, les machins. Non, non, franchement, offensivement, Karl-Anthony Towns, très impressionnant. Offensivement, il y a pas grand-chose à redire. Les pourcentages parfois, voilà, sur des soirs de maladresse, et on en a connu en fin de semaine. Mais d'un point de vue passing game, alors je fais une dédicace à QI Basket, hein, qui a sorti un podcast autour de l'apport de Karl-Anthony Towns à New York, et qui soulignait un trait qui est important dans son jeu, c'est qu'en termes de pivot passeur, on est sur quand même un pivot passeur qui a quand même une sacrée belle court vision. Est-ce qu'on se positionne au niveau des Jokic, au niveau des Sabonis? Peut-être un petit peu sur sa capacité à trouver les coéquipiers en mouvement. Hein, c'est pas je donne la balle lorsque je suis en galère parce que je suis obligé de la ressortir, parce que je peux jouer dans la raquette. Non, non, il y a cette capacité un petit peu de playmaking. Alors bon, c'est pas du playmaking comme un meneur, mais voilà, en tout cas sur Mais Karl-Anthony Towns, une belle faculté de passe en tout cas. tu vois, à contrario, quand je regardais le match de Minnesota contre Boston, je regardais voilà pour voir Julius, Dante. Par nostalgie. Ouais, puis j'espérais à la fin qu'ils gagnent, tu vois, pour eux, quoi. Oui, et pour New Mais York. tu t'aperçois quand même au niveau du jeu de passe, quand tu vois Julius, quand il récupère le rebond, qu'il est entouré de trois mecs. Et qui pourrait sortir la balle, il pourrait le faire. C'est pas son intention Et première. c'est pas son intention, il cherche à marquer le point et deux fois ça finit par un contre. Alors que Karl-Anthony Towns, c'est vrai qu'il aura plus tendance à décaler ou à faire ressortir le ballon. Donc c'est vrai qu'il y a ce petit aspect différent, quoi. Après, c'est l'habitude de jouer avec des coéquipiers sur lesquels se reposer aussi. La connexion avec Rudy Gobert fonctionnait pas trop mal, avec Jaden McDaniel aussi. Donc voilà, Karl-Anthony Towns aujourd'hui, c'est un joueur qui sait se fondre dans un collectif et utiliser les joueurs qui sont présents autour de lui. Donc c'est très bien en termes de passing game. Et on fait la transition sans transition avec le match à Phoenix. C'était Transition le. sans transition. C'était le premier match du road trip à l'Ouest, la première date. Alors les Phoenix Suns qui sont diminués, privés de Kevin Durant, bien sûr. On l'a pu l'apercevoir avec son petit bonnet sur le banc, privé de Bradley Beal, ça c'est encore une habitude. Également avec son petit bonnet sur le banc, à croire qu'il fait pas si chaud que ça dans la salle de Phoenix. Hein. Dans le désert, la clim doit être poussée un petit peu trop fort, faut croire. Et pour ne pas être malade, le petit bonnet est de rigueur. Mais en tout cas, sur le parquet, eh bien, il y avait plutôt du Devin Booker, il y avait plutôt du Yusuf Nurkic, et c'était un petit peu tout. Hein. Côté Phoenix, Phoenix qui s'est retrouvé rapidement dans une galère d'adresse pas possible, et les Knicks qui en ont au contraire profité d'une très belle adresse en début de match, qui leur a permis de faire un écart assez vite. Après, bien sûr, faut se méfier des capacités de scoring d'un Devin Booker, toujours capable de prendre feu, mais ça s'est pas passé, et au contraire, on a eu un Jalen Brunson aussi qui a tout de suite montré la bonne direction à New York. Faut croire qu'il aime bien jouer dans cette salle. La Ouais. saison dernière, il était reparti avec la win et 50 points. Là, il n'y avait pas 50 points, mais il y avait la win au bout. Une victoire sur le score de 138 à 122. Encore une fois, un gros niveau de scoring après le match à 134 points contre Washington. On en met 4 de plus face à la défense des Phoenix Suns. Alors des Phoenix Suns diminués, on l'a dit. Mais tout de même, c'est quand même inquiétant vis-à-vis de leur défense. Et puis leur bilan qui commence à devenir de plus en plus équilibré, malheureusement, après des bons débuts de saison pour eux, pour Phoenix. Mais les Knicks, voilà, qui s'en sont très bien sortis. Encore une fois, une belle copie rendue par notre ami Brunson qui termine avec 36 points, 10 passes. Donc il y a du scoring, mais il y a aussi de l'implication de Gros match, coéquipiers. gros gros match, gros gros match. En termes de rotation, parce qu'on parle souvent de rotation, distribution des minutes, bon là le banc c'était un petit peu plus limité. On a eu surtout trois joueurs, Colec, Payne et Sims qui ont joué. Encore une fois, Campaign aussi qui apporte sa bonne petite contribution, 12 points. D'abord des 3 points, et puis après il a un peu croqué le garçon. Mais voilà, et puis un Karl-Anthony Towns qui a fait la misère à l'intérieur aussi. 34 points, 10 rebonds. La paire JB qui est à 70 points. Voilà, ça devenait un petit peu compliqué à 70 gérer points, pour. 12 passes, 12 rebonds. La Ouais. GB4 Airlines. Là, face à des Suns diminués, ça devait passer forcément avec ce niveau de performance. Bridges, 16 points. Pas trop mal encore. OG, un petit coup de moins bien sur ce match-là, que 14 points. Et puis Josh Hart, 19 points, 11 rebonds, 6 passes. On n'est pas très loin du triple-double et on est encore sur un gros match, 39 minutes. Bon, les temps de jeu sont un peu plus conséquents. Voilà, une belle victoire à Phoenix, mais des Phoenix Suns qu'il faut relativiser aussi, qui sont en difficulté en ce moment, qui enchaînent Ouais, mais les bon, défaites. ça, avec ce qui nous attend sur le prochain match, je relativise plus rien, moi. Ça ne veut. Non. Ça ne relativise. Je vais pas relativiser quoi que ce soit. Ça, dans cette NBA, et j'ai l'impression aussi par rapport à ces Knicks-là, mouture 2024-25, on peut gagner, on peut perdre contre tout le monde. Et Trop n'importe qui. donc. Moi, je vais Alors pas bien dire. sûr, ce que je veux dire, c'est que l'affiche aurait été différente avec un Kevin Durant qui a fait un bon début de saison. Après, il est blessé, il est blessé. C'est une belle équipe, Voilà, les les Knicks n'ont Suns, pas hein, choisi au le calendrier. complet. Bon, de toute façon, déjà, tout de suite avec Durant, mais. Et puis avec un coach aussi qui a changé, Mike Ouais. Budenholzer, qui a un peu de métier quand même. Mais voilà, les Knicks ont joué un jeu d'attaque et ont très bien eu. Enfin, ont eu une bonne entame de match. Ça les a mis tout de suite sur de bons rails. Après, il faut arriver à garder ce rythme-là. Bon, ils encaissent tout de même 122 points, mais avec un différentiel de plus 16. Voilà, il n'y a rien à dire, quoi. Il n'y a rien à dire. C'est un blowout infligé aux Suns. Ouais, je sais pas si sur ce match, toi, tu avais un élément particulier sur lequel tu souhaitais revenir. Non, pas vraiment, pas vraiment. Non, gros match de JB, j'étais content pour lui. Ça faisait du bien de le voir scorer. Bah, en face, même s'il manquait Kevin Durant, il y avait quand même une belle équipe. Hein, et il a su se défaire de ses opposants. Donc, non, très, très, très, très satisfait de ce match-là, quoi. Ce match-là, ouais, c'était bien. Après, voilà, comme tu dis, bon, voilà, ça finit aussi un gros match avec du gros score. Tu prends encore 122 points, bon. Mais non, c'est le prochain match qui est embêtant, quoi. C'est le prochain Eh match bien, qui est le prochain embêtant. match, parlons-en. Et c'est ça qui t'a contrarié. Et on peut le comprendre. Ouais, c'est Ça a ce. contrarié tout le monde. Parce que derrière, c'est un déplacement à Salt Lake City, un pays en terre mormone. Les derniers de la conférence Ouest qui étaient sur une série de 4 défaites consécutives. Donc voilà, les Knicks qui étaient en pleine confiance. Peut-être un excès de confiance. Justement, la fatigue, je ne sais pas. Il y a eu un temps de repos entre le match des Suns et le match au Jazz. Un match qui était un peu plus tôt, tant mieux pour nous, Français. On a eu un match à 23h. Est-ce que c'est pas aussi dans les habitudes? C'est le premier match tôt des Knicks cette saison. Il y en aura un cette semaine, il y en aura un vendredi face à Charlotte. KNF Viewing Party, on vous le rappelle. Donc à voir si dans cette routine un petit peu toujours sensible, et parce que ça les a pas déréglés. En termes d'adresse, en tout cas, on n'a pas retrouvé l'adresse qu'on avait face à Phoenix. Est-ce qu'il n'y a pas eu une sous-estimation de l'adversaire? Le Jazz est rentré bien dans son match, a imposé aussi avec Kessler une présence dans la peinture qu'a contrarié, clairement. Lauri Markkanen n'est pas le joueur qui joue le plus dans la peinture, mais ça fait une belle paire d'intérieur avec Kessler et Markkanen. Et les Knicks se sont montrés très vite en difficulté, très vite en retard au score. Alors voilà, on s'inquiétait pas en début de match en se disant, bon. À partir du moment où on va mettre un petit coup de boost, un coup de run, ou peut-être avec les rotations, même si le banc cette saison, faut le rappeler, on est toujours privé de Miles McBride. Ça fait plusieurs matchs Ouais, qu'il n'est pas présent. c'est inquiétant ça parce qu'on ne sait pas vraiment trop ce qu'il a et. Gêné au genou. Ouais, Gêné au genou. c'est. Mais lui qui pouvait apporter une vingtaine de minutes aussi, et avec une présence des deux côtés du terrain, faut Eh pas oui. sous-estimer sa présence défensive et son apport offensif. En ce moment, Cam Payne, lui, essaye de combler justement cette Campagne, absence. Brochet, hein. Bah, si ce n'est qu'on préfère un autre joueur, parce que ça serait un Ouais, mais il y a chouchou comme en la personne de Colec. une sorte de Mais dénigre sa gueule aujourd'hui. sur lui, mais il connaît son rôle. Alors oui, Des Et quoi fois, il qu'il est un peu et énervant quand il prend ses tirs un peu. Mais c'est pas le seul, hein. Sur ce match-là, le nombre de tirs en première intention en contre-attaque qu'on prend pourri et dans lequel en fait on redonne immédiatement une chance à l'adversaire de scorer tout de suite. On veut jouer avec une pace rapide. C'est pas notre rôle. On a depuis ces dernières années et même encore cette année une des paces les plus lentes de la NBA. Nous, on joue sur demi-terrain. Il n'y a pas d'histoire de contre-attaque, de machin. On remonte la balle, on pose un système, ou en tout cas une phase offensive, et ça se finit comme ça. Le match contre... On a joué contre nature durant tout ce match contre Utah. Et l'année dernière, ce type de match, on le prend pourquoi? Parce qu'en fait, on arrive à faire des stops défensifs. L'année dernière, alors on compare ce qu'on compare, l'année dernière, avant le 1er décembre, on n'avait encaissé que un match avec 120 points ou plus. cette année. On n'avait fait que un match sur lequel on avait encaissé 120 points ou plus. On arrivait à se reposer sur une défense, on arrivait à faire des stops, et les soirs comme les soirs de Utah, c'est-à-dire où tu avais La maladresse. l'adresse qui n'était pas au rendez-vous, tu arrivais tout de même à accrocher une victoire parce que tu arrivais à faire les stops défensifs, tu arrivais à limiter l'adversaire et donc tu arrivais à grappiller. Une victoire à l'arrache, mais ça restait une victoire. L'année dernière, tu arrivais à faire ce genre de match. Là, cette année, si tu ne scores pas, tu prends valise et tu n'y arrives pas à défendre les 3 points, quoi. Et là encore, sur ce match, 121 points encaissés, 38 en seconde, dans le second quart, c'est trop. C'est trop pour une C'est équipe trop. qui doit aussi pouvoir s'appuyer sur des joueurs défensifs. Alors on T'imagines l'a dit, là? on le répète, Brunson, Kat, c'est pas les plus grands défenseurs, mais on a quand même une triplette d'ailiers qui parfois justement n'est pas au niveau défensif qu'on pourrait espérer, quoi. Là, tu vois, sur les 16 matchs joués, on en a encaissé 7. Il y en a 7 où on a encaissé plus de 120 points. L'année dernière, comme tu vois, C'est... l'année Alors... dernière, je rappelle que l'année dernière, à cette époque-là, on n'en avait encaissé qu'un. Non, mais C'est on pas le a. même calendrier, mais on a une équipe qui joue plus un jeu d'attaque Oui, cette saison, mais. Oui, qui se repose non, sur mais ses talents mais je suis offensifs pour essayer de d'accord. faire la Mais on différence. a recruté Mikal Bridges à l'intersaison. On n'a pas recruté, tu vois, le pendant de Julius Randle, c'est-à-dire tout pour l'offensif et rien en défense. On a recruté un défenseur cette année, cet été. Aujourd'hui, les critiques, elles s'abattent plus, elles pointent plus du doigt, effectivement, C'est Mikal pas, tu Bridges. vois, c'est pas Evan Fournier. Ça lui manquait de respect. Evan Fournier est un super attaquant, mais ça, C'est voilà. un joueur qui était All-NBA Defensive Team avec Ben Phoenix. voilà, Alors, donc Phoenix, ça ça en est où commence à ça? dater. Phoenix, ça commence à dater. Le rôle qu'il a eu à Brooklyn, c'était plus le rôle de défenseur élite. Au contraire, il a plus été utilisé dans un rôle offensif. Le truc, c'est Aujourd'hui, qu'offensivement, effectivement. il l'amène même pas, quoi. Bah, surtout sur ce match. Mikal Bah, Bridges, attends, parlons-en. regarde C'est à peine. 7 points en 33 minutes et un 1 sur 7 à 3 points, 3 sur 15 au shoot. Et dans le fin de match, bah, finalement, Tom Thibodeau le bench et lui préfère Cameron Payne, qui est plus en réussite sur la rencontre. De là à dire que défensivement, Cam Payne est plus fort que Non, mais Mikal, d'accord, mais regarde on partira pas sur ce genre la de semaine, considération. 14 points, 16 points, 7 points. Pour un mec pour qui t'as lâché 5 tours de draft et qui devait être ta troisième option Ouais. offensive. Non, Bon, les tours mais. de draft, c'est une Son valeur qu'on prix. donne au C'est trade. son prix. Je n'ai rien à Oui. foutre qu'on me dise. Ah, oh, machin. C'est son prix. Il a été Bah, payé ce prix-là. c'est le D'accord? C'est prix le prix qu'on a payé pour que Donovan Brooklyn le voulait. Mitchell. C'est le prix qui a été payé par Cleveland pour Donovan Mitchell. Ceci dit, Tu vas les chercher tours de un. draft, Oui, on ne connaît ça pas leur vient, mais. valeur, on ne connaît pas le niveau, Je tu m'en vois. fiche de ça. C'est le prix qu'on l'a payé. C'est le prix qu'on l'a C'est le payé ou prix de son pas? trade. C'est le prix de son trade. Bon. Après, aujourd'hui, effectivement, il ne donne pas satisfaction. Est-ce que pour l'instant il le coûte le prix de ce trade-là? Bah, et on n'en a Est-ce pas qu'il pour fait le des prix stops défensifs? attendu. Il en a fait un qui nous a amené la victoire, très bien. Encore ouais, face aux Nets, et sur une Face. fin de match où on retient cet éclat, mais ouais, Et, bon, il effectivement. le fait, donc il faut le souligner, il le fait. Il le fait, donc Ouais, il nous a fait gagner un match. chapeau à lui. Mais après, derrière, offensivement, je trouve que ça patauge. Alors, après son tir, on me dit, bon, je regarde un petit peu. Son point, il a toujours été quand même assez haut hein, au niveau de son shoot. Un peu à la Nico Batum, c'est-à-dire prendre le ballon assez vite, relancer très haut. Ça, bon. Mais après, ouais, peut-être il se cherche. On en est à 16 matchs joués. Comme je dis, bientôt, on arrive aux Bientôt la 20%. vingtaine, Au ouais. bientôt, aux 20% de la saison jouée. On arrive bientôt. aux 20% de la saison jouée. Et cette équipe, je ne peux pas savoir quel match elle va nous faire d'une équipe à l'autre. Je n'ai pas de certitude. L'année dernière, on avait des certitudes sur la défense. On savait que ça jouait dur. On savait que ça allait chercher des rebonds. On savait que ça allait être une plaie pour les équipes adverses de nous jouer. Parce que, ben, en fait, on était une équipe accrocheuse. Là, cette année, souvent, on se retrouve à prendre à 3 points parce qu'on n'arrive pas à défendre cette ligne. Et on se repose sur le talent offensif qui est plus varié que la saison dernière, faut le dire, mais qui fait pas gagner tous les matchs. Et la preuve sur ce match-ci, un match où l'adresse a fui Mikal, encore une fois, mais elle a fui également Karl-Anthony Towns, 1 sur 9 à 3 points. Non, mais ce match, On il lui est demande pas horrible. de, on lui demande pas d'en mettre 9, mais tu nous en mets 2 ou 3 de plus. Bon, tu es un peu plus dans tes standards, parce qu'il a beaucoup shooté à 3 et il en a peu mis. Jalen Brunson, 2 sur 9 à 3 points, c'est pareil. Finalement, on a ces cadres qui sont passés un peu au travers. Il n'y a que Il y avait OG qui a fait, pas de. qui a rendu une copie conforme et qui fait, lui, un bon début de saison. Il est pour l'instant à 17-8 en moyenne. C'est sa meilleure moyenne au scoring Ouais, de sa carrière. je veux dire au niveau de lui, au niveau de sa contribution même, parce qu'il faut voir, hein, il faut voir qui il s'envoie. Alors oui, on va me dire, ouais, mais regarde un peu quand il joue. Un tel, il nous marque un carton, un tel, il nous marque un carton. Ouais, mais OG, il défend. Ça lui arrive de switcher sur les deux, sur les trois, sur les quatre, et des fois même, il joue les cinq. Oh, il a ce côté polyvalent qui fait que il peut être utilisé sur Défensivement, il différentes. est partout. Il essaie d'aller chercher du rebond, il conteste les tirs. Après, derrière, il faut qu'il soit bon offensivement. Souvent, ça lui arrive d'aller marquer ballon. Je veux dire, il attend pas dans son coin. Donc, souvent, ça lui arrive aussi de récupérer le ballon, de faire un ou deux moves, de marquer. Donc, il fait des choses, tu vois. Et moi, ce que je reproche à Mikal Bridges actuellement, c'est que on n'a pas. Enfin, que quand cette signature était tombée en juin. Putain, j'étais là en mode. Je me rappelle très bien, j'étais au Bah, les travail. fameux Wingstop, Il quoi. était 5h du mat. Boum, il y a le trade qui tombe. Putain, on a mis cale, quoi. C'était énorme. Et là, ben, je tombe de ma chaise. Bah, on est déçu pour l'instant. Alors après, il reste encore du temps. Mais effectivement, est-ce que c'est un joueur qui doit plus se concentrer sur sa défense que sur son jeu d'attaque? Là, on l'a vu, Tom Thibodeau l'a benché sur la fin de match parce qu'il n'était pas dedans. Et puis le match, voilà, finalement, on n'arrivait pas à recoller. Donc il a essayé, il a tenté un truc avec plus de campaign et moins de Mikal. Bon, ça n'a pas payé parce qu'au final, il n'y a pas plus la victoire au bout. Mais voilà, est-ce que c'est un rôle qu'il va falloir revoir? Il y a un gros temps de jeu, c'est aujourd'hui Mikal qui a le plus de temps de Ouais. jeu, c'est lui qui est le plus utilisé. Ouais, Est-ce que c'est de la fatigue qu'il accumule? On n'a pas on l'impression. en avait Il y a parlé. une stat où il est numéro 1 en NBA, c'est sur le nombre de distances parcourues. Alors forcément, comme il joue longtemps et qu'il court un peu le garçon, bah, il en parcourt des kilomètres, des miles. Mais voilà, ça ne fait pas tout. On en Donc avait parlé aujourd'hui. sur la dernière émission. Est-ce que cette polyvalence n'est finalement pas cet excès de polyvalence sur les postes? N'est peut-être pas un défaut de cette équipe, c'est-à-dire qu'en fait, les mecs sont bons partout, mais pas for enfin, comment dire, Pas excellent, Mikal ouais. Bridges, c'est pas un 2, et pour moi, OG, c'est pas un 3. Et c'est ça mon souci, c'est que Mikal Bridges est un 3, et OG Anunoby, c'est pas un 4, du moins, c'est un Ouais. 3, Et Josh, c'est pas plus un 4, quoi. Et Joe, c'est pas plus un 4. Et Mikal, c'est Est-ce que un 4, 3 c'est un aussi. 5? Est-ce que Karl-Anthony Towns, c'est un 5? Mais c'est ça, en fait. Tu vois, le souci, c'est que j'ai l'impression que cette équipe, en fait, on a C'est un des peu une bons. équipe 2K, NBA 2K. Ouais, on On a. prend les bons joueurs, mais est-ce que, Est-ce qu'ils jouent vraiment est-ce que la sauce prend? à leur poste, quoi? Alors, ouais, OG peut jouer 4, évidemment. Mais est-ce que à la base, on l'avait pas pris pour jouer 3, justement, tu vois, côté. Putain, mais cette équipe Mais c'est de janvier passé. La saison 2024, dernière. mais tu vois, avec un gros 4, OG à côté d'un gros 4, c'était le feu, quoi. Et il pouvait se concentrer à ses défenses. Mais pour moi, il y a un souci d'équilibre dans cette équipe. C'est paradoxal, hein, parce que tu te dis, mais avec autant, finalement, de mecs qui peuvent jouer partout, mais pour moi, il y a un souci d'équilibre. Et tu peux pas me faire croire qu'une équipe. Ok, d'accord, on a perdu Hartenstein, on a perdu Julius, on a perdu Divo, mais on a gardé quand même, et on a fait venir un gros défenseur, et on a gardé quand même une certaine ossature. Tu ne vas pas me dire quand même que cette équipe, elle ne peut pas mieux défendre. Comment c'est possible qu'on prenne autant de valises de points? Je C'est... pense que là, sur ce match, j'ai aussi un peu l'impression que les Knicks choisissent leur match. Face aux Suns, ils ont eu une entrée de match qui n'était pas du tout la même que celle face au Jazz. Donc clairement, ils Mais se sont pas dit, bon d'envie. là, l'envie et l'énergie Pas d'énergie, impliquées il n'y avait d'entrée de pas jeu, de... Il n'y avait rien, et quoi. sur celle-ci, ce n'était pas le cas. Donc l'adresse, après qu'elle soit défaillante, bon, elle a été défaillante collectivement, donc ça c'est gênant aussi, effectivement, mais l'envie, l'implication, on n'a pas reconnu les Knicks sur ce match face au Jazz, et le Jazz, qui était dans une galère avec des défaites et machin, qui est dernier de sa conférence, bah, qu'on suite voulu rentrer dans le lard, dans la tête des Knicks, et ils l'ont bien fait. Mais c'est étonnant qu'ils soient les derniers de leur conférence, parce que quand tu regardes, pareil, quand tu regardes leur roster, ils ont une équipe qui est quand même... Enfin, L'Ouest, c'est très très fort, les oui, gars. voilà, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, tu as quand même John Collins, un Mark Cannon, tu as les petits Ouais. Keon George là qui est pas mal, enfin, tu as une bonne petite équipe quand même, tu vois, c'est pas... Ouais, mais c'est disputé l'Ouest, donc Ouais, après, ouais, bon, c'est voilà. disputé. Après, ils ont enchaîné des défaites. J'ai pas suivi leur trajectoire de saison pour l'instant, mais en tout cas, ils étaient derniers et ils enchaînaient avec quatre défaites Une victoire, ils sur leur avaient parquet. 6 matchs à la maison et avant de nous jouer, ils étaient sur une victoire pour 5 défaites. Ouais. Elle est frustrante, elle est rageante cette défaite d'Enix parce que voilà, on était sur une belle dynamique. Même si voilà, tout n'est pas bon dans ce qu'on peut voir, mais en tout cas, prendre des victoires, ça permet de Alors, reprendre on confiance va croiser et les de doigts. s'installer tranquillement sur le haut de la conférence Est, qui est un petit peu compliqué en ce début de saison. Mais voilà, donc ouais, ça fait tâche encore cette Bah, défaite. disons que on espère voir, on se raccroche toujours à se dire Mitchell Robinson, Precious Achiuwa, et que Ouais. quand bah, maintenant le petit Bah. Deuce McBride, quand ils vont Ouais. revenir et qu'on aura un banc, un Un banc, branc, un pardon, branc, un branc. un banc, Un bon branc. ouais, non, mais évidemment que ça joue beaucoup, mais déjà à voir que quand on aura cette rotation-là, quoi, c'est-à-dire avec ben, Precious Achiuwa, Mitchell Robinson Et et... pourtant, sur cette rencontre, parce qu'on parle beaucoup du banc et des minutes, sur cette rencontre, quand les Knicks font un comeback, quand est-ce que les Knicks font un 17-0? Bah, c'est avec en partie des joueurs du banc. On n'avait pas le banc idéal qu'on souhaiterait avoir avec les noms qu'on a cités, mais pour autant, c'est à ce moment-là que le run de 17-0 se fait. Après, Kat vient compléter, remplacer Sims, qui avait déjà bien donné sur son peu de temps de jeu. Mais voilà, c'était inconstant dans le match, inconstant sur ce début de saison. La défense, je pense qu'il va falloir s'y faire. On va prendre plus de points que la saison dernière. On va en mettre plus aussi. Est-ce que ça suffira pour faire un meilleur bilan? Ça, on le verra à la fin de la saison. Elle est rageante, cette défaite. Mais il y Elle en est a plein cette rageante. saison des matchs qui sont comme ça. Hein. Et c'est ça, ouais. Le problème, Autant la c'est saison que... passée, peut-être qu'on avait moins d'attentes et qu'on a aussi beaucoup plus d'attentes cette saison parce qu'il y a plus de hype, parce qu'il y a plus de talent, tout simplement. Et c'est légitime d'espérer et de voir les Knicks plus beaux que la saison dernière. Mais l'attente étant plus élevée, Non mais... l'état d'esprit et la combativité, elle n'est pas aussi marquée que la saison dernière. Tu prends sur les dernières défaites, la défaite contre Chicago. Tu vois, c'est la même. Bon, ça se joue sur un détail en fin de match et tout, on peut. La Mais défaite ouais. contre Atlanta, c'est la même. Les séances. Contre Ouais. Indiana, où tu prends une volée de 3 points et tu prends 40 points dans le dernier quart-temps. Tu vois, je sais pas si ça, c'est nos attentes. C'est pas nos attentes, en fait. À un moment donné, c'est ce qu'on nous montre, tu vois. On nous montre Non, les ça. attentes dans le sens où, avec une belle équipe, on se dit les Knicks vont gagner beaucoup. Il y a le fait Mais que en fait, l'équipe ils ait doivent changé, que ça pas perdre prenne comme du temps ça. dans n'importe quelle équipe de la ligue, Ils ça doivent pas prend du perdre comme temps ça, en de. fait. Après, c'est la Tu te dis, manière, mais la manière. c'est une équipe. Tu te dis, ouais, là, ça va être, c'est une équipe dure. Mais elle n'est pas dure, cette équipe. Non, on se donne cette idée-là parce que on a vécu une saison dernière avec du Harty, avec du Divo qui était plutôt dans la grind, dans le Ouais, grind, bah, ouais. que dans le talent. Là, on a des joueurs qui sont beaux à voir jouer. Mikal, c'est beau à voir jouer, mais ça donne une image un peu soft parfois. Kat, c'est pareil. C'est l'image qui se traînait, même si c'est pas Kat qui nous fait perdre les matchs défensivement. Voilà, on a sorti des stats en disant qu'il prenait pas mal de points dans la raquette. Oui, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Les 3 points, ils viennent pas de la raquette, quoi. C'est pas la protection de cercle qui fait qu'on prend des plus à 3 points. Mais voilà, on a cette équipe qui est plus talentueuse. Le côté grind, ça va être Josh Hart. Ça va être Josh Hart, ça va être éventuellement OG, Ouais, mais il est tout même seul. si plus OG, dépassé. non, Mais voilà, OG on fait preuve a. de moins de. Il a. OG est un gros défenseur dur sur l'homme, mais. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. On n'a pas Ok, cette. il manque une Les aura, saisons se quoi. suivent, se ressemblent pas, et on n'a pas cette même philosophie dans le jeu pour l'instant, dans la façon dont les Knicks se jouent. Alors heureusement que ces défaites, elles se passent à l'extérieur, parce que ça ferait tache au Garden, et je pense que là, le public serait peut-être enclin à siffler et à faire passer des messages aux joueurs. Donc il va falloir qu'ils se reprennent. Il reste encore des matchs on road pour essayer de se rattraper de ce faux pas. Limite, tant mieux. Oui, on va pas gagner 82 matchs, ça c'est certain. Après, dans la façon dont on les perd, ça nous plaît pas. On préférait perdre des matchs, mais en étant accrocheur, Il y a que d'être distancé. des équipes contre qui tu dois les prendre en fait. Tu vas pas Ah gagner bah, évidemment les Jazz, on devait les les matchs, prendre. mais On devait les il y a prendre. des matchs contre qui tu dois les prendre. Il y a des matchs, si tu as des ambitions, il y a Tu dois être des. sérieux et ça commence par le début de match. Et le début de match, c'était pas bon. Donc Moi, je derrière, m'étais dit, on court. ah, tiens, quand ils prennent, tu sais, ces 6-8 points d'avance, je dis, bon, ça y est, ok, on est mal rentré. Allez, ça y est, la machine, elle se Ouais, lance, mais ça se passe. on recolle assez vite au milieu fin du premier quart. Ouais, tu te dis, bon, ça y est, allez, la machine est lancée, ça va rouler. Et puis non, en fait, tu reprends un écart dans le 2, et puis tu reviens jamais. Et puis tu reviendras jamais, en fait, c'est ça, en fait. Bon, et Et puis encore, on dès fait un que. gros run de 17-0 à un moment donné qui nous remet un peu dans le match, mais sinon, c'est Ouais, un gros run mais qu'on tu vois, subit. Et encore une fois, on encaisse 121 points. 121 points. Donc heureusement que Washington est là dans la semaine qui nous fait encaisser que 106, mais autrement, Phoenix, qui a du talent offensif, même si diminué, 122, 121 à Utah. Ça va être combien sur le prochain? On va en parler, on va en parler. Ouais, et les prochains, attention, il y a du talent. Et pourtant. Bon, on va quand même finir cette rétrospective avec le moment que l'on doit utiliser pour récompenser un joueur quand même cette semaine. Alors la semaine dernière, nous on avait plutôt parlé de Karl Anthony Towns et il a été nommé. Il n'a pas obtenu le prix de Player of the Week de la conférence Est. Là, cette semaine, on va voir s'il y a des récompenses. Avec cette défaite, ça risque de passer à côté. Il n'y avait que 3 matchs. Pas évident de trouver, surtout après cette note un petit peu salée, cette défaite salée au lac salé du Jazz. Difficile de trouver un motif de satisfaction. OG nous fait une belle sortie à Utah, mais ce n'est pas forcément le cas sur tous les autres matchs de la semaine. Karl Anthony Towns marque un retrait aussi, là où il a été bon, comme GB à Phoenix. Mikal, bon, vous l'avez compris, Mikal, c'est compliqué cette saison, ce début de saison. Josh Hart, bah, il est toujours dans sa veine, proche du triple-double. Sur le match face à Utah, bah, il termine à 17 points, 6 passes, 6 rebonds, 41 minutes, gros temps de jeu encore une fois. Mais non, cette semaine, on a décidé, une fois n'est pas coutume, et c'est bizarre de dire ça, de le décerner tout simplement à Jalen Brunson, JB, le capitaine. Alors bon, on aurait préféré avoir un bon match de sa part aussi à Utah. Malheureusement, l'adresse n'était pas là. 2 sur 9 à 3 points. 23 points, ok, il y a 23 points, mais ils sont un peu poussifs. JB, on l'a retrouvé quand même un peu. On l'a retrouvé dans sa capacité à prendre le leadership plus tôt dans le match. On l'a vu notamment à Phoenix. Visiblement, on l'a dit, hein, l'air de l'Arizona, lui, réussit. Et ses souvenirs de 50 points la saison dernière devaient être encore présents. JB qui est plutôt bon dans le passing game, hein, ça il faut le souligner dans ce début de saison. J'ai pas regardé ses stats au global, mais je pense que sa moyenne de passes en ce début de saison doit être pas loin de ses meilleures moyennes si on regarde l'ensemble de sa carrière. Il essaye d'impliquer ses nouveaux coéquipiers, il le fait plutôt bien. Par contre, c'était l'adresse et l'efficacité au shoot qui étaient un petit peu défaillantes ces derniers temps. Et là, sur ces 2 matchs de début de semaine, bon, c'était que Washington, c'était que Phoenix, ok. Mais voilà, il nous a un petit peu réconciliés sur cette semaine. Et c'est pour ça qu'on a décidé de lui attribuer ce titre de meilleur Nick de la semaine. Et oui, 7,4 passes en Ouais, ce je début de regardais, ouais. saison, bah, c'est sa meilleure moyenne. Hein. C'est bien en moyenne. Auparavant, c'était 6-7 avec New York la saison dernière. Et 6-2 auparavant avec avec New New York York. aussi, ouais. Depuis qu'il est au Knicks, il s'est vraiment mis en passeur. Plus de temps de jeu aussi. Plus cette Oui. responsabilité de meneur alors qu'il était alors que c'était plus de Un meneur l'exclusivité backup de Doncic. ou combo. Mais ouais non plus là cette année ouais c'est et pas mal de matchs en double-double. Pas mal de matchs en double-double à la passe. Donc tant mieux, donc voilà, on le récompense, JB c'était bien, on aurait préféré le 3-0, moi qui avais pronostiqué un 3-0, je l'ai toujours pas, hein, ma semaine sans défaite, mais voilà, on l'a retrouvé au scoring, voilà, ça fait tâche ce match des Jazz, du Jazz, mais en même temps ils sont tous passés à côté, donc on leur en veut tous, mais on va pour cette attribution de titre honorifique de Nick of the Week, décerné à JB, entre autres pour ces deux premiers matchs face à Washington et Phoenix. Bon, Seb, on oublie la semaine passée. Hein. Elle est passée de toute Ouais, façon. mais Et on se projette un peu sur la semaine à venir. elle est croustillante cette semaine aussi qui arrive. Ah, bah si elle est croustillante, on va regarder à quelle sauce on va croustiller, à quelle sauce on va accompagner tout ça. On regarde ça tout de suite ensemble. Allez, c'est parti. Le programme de la semaine d'Enix, c'est maintenant. Alors croustillant, pourquoi? Bah parce qu'on joue les nuggets, bah bien sûr. Voilà, petite blague culinaire pour les amateurs de pépites de poulet, comme diraient nos amis québécois. Eh bien oui, donc une semaine qui va comporter 4 matchs. Et ouais, 4 matchs, tout de suite, on va dormir un petit peu moins. Quoique, il y a un match, on l'a dit, on le répète, en prime time français pour vendredi. C'est un match de la Cup d'ailleurs. Donc on commence la semaine avec un match sur la route, encore. Le road trip à l'ouest se poursuit après avoir perdu face aux Jazz. Que vont faire les Knicks face aux Denver Nuggets? Des anciens champions. Jokic est de retour. Finalement, c'était que une naissance. Rien de grave, bien au contraire. Bah On le non. félicite. Je sais pas si son premier enfant. Je crois pas avoir eu Je sais pas. le faire part pour un autre enfant. Donc. Non, non, non. J'ai pas reçu non plus le texto et. Non, non, non. Il est pas trop. Il est plutôt discret sur sa Ah, il vie est pudique. Il est personnelle. pudique, il est Hein? pudique. En dehors de faire le kéké sur son sulky, on le voit peu autrement en famille ou avec les frangins, mais pas avec la frangine. Bref, Denver Nuggets pour commencer. Ensuite, déplacement dans le Texas. Alors, de Denver, d'ailleurs, on l'a pas dit, c'est tout simplement dans cette nuit de lundi à mardi. Les matchs à l'ouest, 3 h du matin, ça pique pour regarder ça en live, ou alors ça tombe bien pour les replays de bon matin, mais bon. À vous de voir comment vous regardez ce match. Derrière, déplacement dans le Texas dans la nuit de mercredi à jeudi pour jouer tout simplement les Dallas Mavericks. On avait joué les Houston Rockets chez eux, ça s'est pas très bien passé. Est-ce que ça va mieux se passer face à Dallas? Est-ce que Luka Doncic va jouer contre Jalen Brunson? Les dernières fois où ils se sont un petit peu croisés, bah, il y avait les absents des uns des autres. Je sais pas s'ils se sont joués à Dallas l'un contre l'autre. On regardera ça. Et c'était pas il s'était joué hein, sur le match tu sais ça se finit À Dallas. sur ce rebond je crois que c'est à Dallas hein, Et avec ben, ce je suis pas match sûr que Jalen Brunson. Oui, le rebond qui échappe des mains de. il était pas là Je suis pas sûr JB que Brunson était pas sur la touche, était pas blessé sur ce ah match-là. peut-être Bon, on regardera ça a posteriori. Et puis lorsque la dernière fois ce match il JB avait est été revenu, c'est peut-être Lucas qui était off, quoi. Bon. Et derrière, donc voilà, déplacement qui va se poursuivre en Caroline chez les Charlotte Hornets pour la Cup vendredi, avant un retour à la maison. Non pas avec Zion, parce que de toute façon Zion, il sera pas là, à moins qu'il revienne de blessure, mais donc retour au Madison Square Garden dans la nuit de dimanche à lundi pour jouer les New Orleans Pelicans à wow. minuit. Ça, Ça fait une sacrée semaine. Ça fait une sacrée semaine, des volatiles, de la pépite et des chevaux fous. 4 matchs, tu vas nous donner un petit peu les tendances des uns des autres. Nous t'écoutons, Seb. Comment se alors. comportent nos adversaires en ce moment? Alors, bon, déjà, au niveau des classements, donc on a évidemment Denver qui est dans les qui a un bilan de 9-6 actuellement. Ils sont sixième de la conférence Ouest. On a Dallas ben là, qui vient de perdre Doncic, je parlerai des blessures après, qui eux sont neuvième avec un bilan de 9-8. Donc 9-6, 9-8, finalement, c'est un peu le même bilan que les Knicks. Hein. On a nos amis de Charlotte qui, eux, sont, eux, bon, plus en difficulté. Ils sont à 6-10. Et la Nouvelle-Orléans, alors eux, c'est vraiment l'hécatombe pour eux. Et ils sont en 4-13, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, 4-13. Alors, pour Denver, actuellement, ben, ils ont quelques blessés. Ils ont quelques blessés. Ils ont notamment Aaron Gordon, qui est Ouais. out, donc qui ne jouera pas contre nous. Et le jeune Peyton Watson, donc qui, normalement, ils le disent probable. Qui remontait d'un problème d'adducteur. À voir. Ce sont les deux grosses blessures de leur côté. Au niveau de leur calendrier, bah écoute, là, sur les 5 derniers matchs, ils sont sur un 2-3. Donc, ils ont perdu contre la Nouvelle-Orléans. Ils ont perdu contre Memphis. Ils ont gagné Memphis. Ils ont perdu contre Dallas. Alors que Doncic n'était pas là. Et ils ont éclaté Los Angeles. Mais aussi À une Los période Angeles. qu'ils ont traversée sans Jokic, qui a loupé quelques matchs. Voilà. Donc, Mais voilà. bon, écoute, ils sont plutôt Ils limitent la casse avec l'absence de Jokic. bon, sur les Et c'est derniers une matchs, équipe qui va être sur les derniers au matchs, calme. Jokic, il marque quand même 33 points, 13 rebonds et 33 points, 17 rebonds. Ouais, mais c'est une journée tranquille au boulot le concernant. Bon. Le mec, il tourne à une moyenne de 30 points, je crois, 11 rebonds. Ou une dizaine de rebonds, une dizaine de passes. Bref, il est en triple-double. Il est parti pour son petit MVP. Voilà. Donc, ils nous jouerons nous. Ce sera le premier match, forcément, c'est ce soir. Donc, ils nous jouerons nous. Ensuite, Dallas. Donc, on a dit Dallas. Actuellement, Doncic n'est pas là. Et ils ont également l'autre meneur, Dante Exum, qui est absent. Donc, actuellement. Exum, c'est pas une grosse blessure, hein? Il n'est pas out pour la saison. Exum, changerait. Il me semble qu'il avait, il avait de nouveau rechuté et... Bon, mais Sur après, bon, ils peuvent. ESPN, c'est pas marqué, mais en tout cas, il y a marqué que il est pas là. Des fois, tu sais, c'est marqué out, mes possibilités ou quoi que ce soit. Ouais. Là, il sera pas là, ça c'est C'est out sûr. de chez out. Ouais. Ouais, Après, ils pourront compter sur Kyrie. Pourquoi pas Klay Thompson? Donc attention au voilà. niveau des plus à 3 points. Et c'est pareil pour Doncic, lui, il sera réévalué mardi, donc il sera pas là. Ouais. Il sera pas. Non. Bah, on joue dans la nuit de mercredi soir. Donc. Après, ils avaient annoncé que normalement, ils ne seraient pas là. Donc, à voir. Pour eux, là, au niveau de leur calendrier, sur les 5 derniers matchs, eh ben, écoute, ils sont en 5-1. En 4-1, pardon, 4-1. Ils ont gagné San Antonio. Ils ont gagné Oklahoma City. Grosse victoire contre Oklahoma City. Ils ont gagné la Nouvelle-Orléans, mais bon, qui est décimée par les Qui en galère. blessures. Ils ont gagné Denver. Et là, ils ont perdu cette nuit en overtime contre Miami. Donc, cependant, donc, ils sont quand même sur une bonne dynamique. Même s'ils sortaient de 4 défaites consécutives, ils ont su répondre avec 4 victoires consécutives et contre du gros. Avant nous, ils joueront Atlanta. Voilà. Le fameux Doncic, bah non, il va pas jouer contre Trae Young. Voilà, c'est toujours un match particulier Ouais. quand on sait ce qui s'est passé en termes de choix de draft. Non, mais puis en plus, les deux hommes s'apprécient. Hein. Je crois qu'ils sont assez copains dans la vie. Oh. Donc, j'avais lu un truc comme quoi, en effet, ils se Ouais, deux mecs connaissaient. qui défendent pas, il n'y a pas de problème. Non, mais Ils même, s'entendent bien. ils se connaissaient avant draft. Ils se connaissaient déjà avant draft. Concernant Charlotte, bon, bah, plus compliqué, hein, Charlotte. Alors, au niveau des blessures, Grant Williams, là, Ouais, on l'a appris cette out pour la nuit. saison. Out pour la saison. Le pauvre, et depuis son trade de Boston, c'est galère sur galère. Lui, il s'en sort pas. Au niveau de leur calendrier, bon ben voilà, ils sont à un bilan de 6-10, ça je l'ai dit. Ils sont sur un 3-2, pardon, un 2-3, un 2-3 au niveau des 5 derniers matchs. Ils ont gagné Milwaukee de 1 point et ils ont gagné contre Détroit de 2 points en overtime. Voilà leur victoire. Et ils ont perdu contre Cleveland, ils ont perdu contre Brooklyn et ils ont reperdu contre Milwaukee la nuit dernière. La nuit dernière. Quand tu le dis, une victoire de Charlotte face aux Bucks, alors on sait que les Bucks, ils ont un début de saison très compliqué, il y a du mieux ces derniers temps, mais ça montre aussi que n'importe qui peut battre n'importe qui dans cette conférence, dans cette ligue. Il y a des surprises, des bonnes, des moins bonnes. Ça arrive pas qu'aux Knicks, donc voilà. Espérons que les mauvaises surprises, les mauvais tours, on les a déjà joués et que c'est bon. Hein, on va être rassasié avec ses mauvais tours, mais Ils ont voilà. quelques petits Français. Alors peut-être que T'Jones Ouais, Salone Tidjane Salon. va peut-être tirer donc son épingle du jeu avec la blessure de Grant Williams. Et surtout un Moussa Diabaté, monstrueux au rebond. En mode de Dennis Rodman. Ah ouais, c'est exactement ça, monstrueux au rebond offensif. Il finit, tu vois, là, sur les derniers matchs, là, il finit souvent meilleur rebondeur de son équipe. Et puis, comme il faut, 16 rebonds, 14 rebonds, 15 rebonds. C'est un gobeur de rebonds offensifs aussi. Alors nous, on a quand même des difficultés au rebond, notamment, encore une fois, contre Utah, on s'est fait bouger au rebond offensif. Attention, ça meilleure des deuxièmes ballons. Et il y a des shooters hein, chez nos amis des abeilles. Donc là, les apiculteurs sont de sortie. Donc c'est pas un match gagné, maintenant. Et avant nous, ils joueront Orlando et Miami. Voilà, donc grosse semaine pour eux aussi. Hein. Orlando, Miami. Orlando, ouais. Et c'est un match de la Cup, c'est un match de la Coupe, C'est un match de donc. la coupe et je crois qu'ils seront en back-to-back, en plus, après. D'accord. Voilà. Bon, donc normalement, Ouais. normalement. Normalement. Et On alors, finira pas la phrase. et donc, la Nouvelle-Orléans, alors eux, les pauvres, On ils ont... parle des Knicks souvent en disant Tom Thibodeau, il casse ses joueurs. Bah là, je sais pas ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans, il y a plus personne quoi. Ouais. Plus personne. 3, 4, Ingram, McCollum, Zion, 10. qui d'autre qui est absent? Alvarado. Sur les 10 derniers matchs, ils sont à 1-9. Ils ont fait une série de 6 défaites consécutives. Ils ont gagné contre Denver, tu vois. Ils ont Tout est possible, au tout est milieu, possible. ils ont gagné contre Denver et puis là ils sont repartis sur 4 défaites consécutives. Là cette nuit ils ont perdu l'année dernière, pardon, ils ont perdu contre Golden State. Alors tu parlais des blessures. Ouais, les blessures c'est dur. Les blessures c'est dur. Herbert Jones, donc lui c'était quand même un défenseur, un bon défenseur externe, Ouais. out. Dejounte Murray, out. Oui. Alors Yves Missi. Le rookie qui aussi, hein, à un moment donné, les Knicks, on avait peut-être parlé parce qu'on parlait d'une rotation intérieure. Il y avait pas mal de rookies pivots sur Dans le radar, ouais. et malheureusement, il était parti. Mais il devrait revenir. Il a marqué, tu vois, il devrait revenir contre Indiana lundi. Donc, je pense qu'il sera là contre nous. CJ McCollum, out. Zion Williamson, out. José Alvarado, out. Compliqué de tirer son épingle du jeu dans la conférence Ouest avec autant de blessures. À Et comme voir quoi, comment ça ça n'arrive va. pas que chez Tom Thibodeau, qui est des joueurs blessés. Il y a des équipes qui sont décimées par Voilà. les blessures. À voir comment ça va évoluer. Parce que tu vois, on a. Alors, c'est sûr que Murray, tu vois, pour lundi, il marque contre les Pacers, il est out comme Jones. On a CJ McCollum qui serait marqué comme questionnable lundi contre les Pacers. Donc, aujourd'hui, contre les Pacers. Donc, s'il est marqué questionnable, peut-être qu'en fin de semaine, il sera de retour, on ne Ouais, sait pas. ouais. Par contre, Alvarado et Williamson, ça c'est out. Alors eux, ouais, au niveau, je t'ai dit, au niveau des matchs, là, ils sont sur un 4. Donc ils ont gagné Denver. Ils ont Et perdu. avant nous, ils vont jouer contre qui? Avant nous, ils vont jouer ben, contre Indiana, Nana, ouais, oui. contre Toronto, contre Memphis, et ils joueront les Knicks à la fin. Ok. Et en sachant que nous, on a aussi Deuce McBride questionnable. Ouais. Et Karl-Anthony Towns, questionnable. Effectivement, pour le match face à Denver, aujourd'hui, alors on enregistre cette émission, on ne sait pas si Karl-Anthony Towns va jouer. On n'a pas forcément vu de coup de blessure. On en avait parlé, il s'était tenu le dos sur un match précédent. Là, face au Jazz, il a surtout mal aux fesses parce que la défaite était dure à accepter. Mais on n'a pas vu de choc ou quoi que ce soit. Donc, à voir ce qu'il en est. Bon. Il serait mieux qu'il soit présent, surtout qu'il avait fait une belle série de playoffs face à Jokic, donc ça serait plutôt bien d'avoir ce profil à mettre en face plutôt qu'avoir un Jericho Sims et Arya Luke Porty à défendre sur Jokic, mais bon, c'est le métier qui va rentrer pour le rookie auquel cas, quoi. Bon, alors les deux questions habituelles, le match qu'on attend le plus dans cette série de 4, il y a un peu de choix, hein, des équipes de l'Ouest, une équipe de l'Est, la Coupe. Qu'est-ce que tu attends avant tout dans cette semaine comme match? Le match à ne surtout pas manquer de regarder quand tu en es un fan d'Enix, c'est lequel selon toi? Je vais te dire que j'ai pas trop d'attentes sur les deux premiers. Ouais. J'ai pas Parce trop que tu as peur d'attentes. du résultat. Pour moi, c'est pas quasiment acté, mais j'ai pas trop d'attentes sur les premiers. Je vais t'étonner, mais pour moi, le match presque le plus important, ça va être Charlotte. Hey, c'est une affiche de la KNF Viewing Party, donc tant mieux. Mais ouais, pour moi, c'est ce match-là parce qu'on joue Ok. une équipe de l'Est. On joue une équipe bizarre et les équipes bizarres, ça nous réussit pas. Et à voir comment on va se comporter contre cette équipe où le danger offensif peut venir de partout. Donc étonnamment, tu vois, je vais pas te dire Denver parce que pour Ok. moi Denver on va le perdre. Voilà, Ok. j'ai pas de Dallas. À voir si Doncic revient, mais pour moi, là, le match important, enfin le match important, le match que je vais regarder ça parce que je suis, ça va être Charlotte. Accessoirement, il a une heure plutôt facile à regarder, donc voilà. Effectivement, c'est peut-être pas plus mal. Bon, bah écoute, moi, je vais pas te suivre, même si le match contre Charlotte, forcément, avec l'association, ça va être un plaisir de pouvoir accueillir nos adhérents et retrouver les bons moments partagés autour d'une viewing party. Non, le match que je vais plus attendre cette semaine, c'est pas non plus Denver. Je crains. Je crains Denver. J'aimerais, hein, en tout cas, une réaction des Knicks. On va en parler après sur notre pronostic. Mais non, c'est plutôt le match de Dallas. Voir un petit peu ce match. Est-ce que JB va passer un petit statement game. Bon, ça sera intéressant de voir un petit peu comment ça se comporte. Donc c'est plutôt ce match cette semaine qui va m'intéresser avant tout. Bien sûr, on va tout regarder, mais c'est le match de Dallas sur lequel j'aurai une attention un peu particulière. Bon allez, pronostic. Mon 3-0, il est toujours pas tombé. Je vais réserver mon pronostic après. Je vais te laisser l'honneur. Tu étais un peu plus proche, non? Je sais plus si t'avais fait 2-1 ou 1-2. Bon, quel est ton pronostic sur cette semaine? Je vais dire De 4 matchs. 2-2. Ok, d'accord, un petit 50%, après tout, Ouais. pourquoi pas. Et alors, où est-ce qu'on va gagner, où est-ce qu'on va perdre, selon toi, selon ton pronostic? Eh ben écoute, on va souffler le chaud et le froid. D'accord, victoire-défaite, victoire-défaite. Exactement. Hey! Voilà. Ok. Voilà, on perd Denver, on gagne Dallas. D'accord. On perd Charlotte parce que c'est un très Oh! match et on va encore prendre valise, genre 130 points. Enfin. Ah, c'est Charlotte. Et la Nouvelle-Orléans, ils sont trop. La Nouvelle-Orléans se fait péter par tout le monde. Et on revient chez nous en Ah plus. ouais, non, mais Metz, quoi. Attends. Oh, ils se font péter par tout le monde. Tu vois, à un moment Donc donné. par nous aussi normalement. Attends, Hein, c'est comme le Jazz en fait, ils se quoi. font péter par Brooklyn, ils se font péter par Dallas qui est décimé. Tu vois, Murphy 3 finit avec 19 points, quoi. Et voilà, ils se font péter par Portland. Ça suffit. Donc, Stop. non. Donc nous aussi on doit les péter Ben quoi. Ok, oui. on va manger de l'étrange volatile. Ok. Donc pour toi 2-2 victoire Est-ce qu'on Dallas finit en et blowout? victoire. La semaine finit en blowout et on se dit, bon, allez, allez, c'est parti. Allez, et comme ça lundi prochain on aura du baume au cœur pour enregistrer le prochain épisode de Avenix Week. Eh ben écoute, je vais pas te suivre. Pour l'instant on s'est pas tellement suivi sur nos Zéro! pronostics. Je vais pas partir. Non, je vais pas partir sur un 4-0. Je ne vais pas partir sur un 0-4 non plus. Non, je vais partir sur un 3-1. J'ai peur, effectivement, sur ce match face à Denver. Parce qu'on avait battu, je crois qu'on avait battu chez eux Denver la saison dernière. Donc ils auront peut-être une petite envie de revanche. Pourquoi pas? Est-ce que Karl-Anthony Towns va jouer? S'il ne joue pas, ah, ça va se compliquer d'autant plus pour nous. Donc je vois plutôt une défaite à Denver. Par contre, les trois matchs suivants, non, non, moi je veux rien savoir. Les Knicks vont devoir réagir, rebondir, vont devoir resserrer la défense, espérons. Et on va retrouver aussi peut-être des blessés. Precious, ça fait 107 ans que j'annonce que son retour va arriver. On s'en rapproche, sachez-le. Pour Allez, quand? J'en sais quoi rien. qu'il arrive, on se rapproche de Quoi minute à qu'il arrive, minute on s'en du rapproche. retour de tous nos blessés, ça c'est sûr. Voilà. Est-ce que Deuce va revenir? Bah, il serait bon aussi qu'il revienne, même si aujourd'hui le banc avec Campaign fait plutôt le Ouais, mais travail. qui joue? Attends, c'est trop important, McBride. C'était une des belles surprises de ce début de Et saison, en tout cas ouais. une des satisfactions du début de saison. Bah, c'est dommage que voilà, on puisse pas en profiter en ce moment. Et un pour la rotation et deux pour son apport des deux côtés du terrain, c'est utile. Et on l'a dit, on prend des paniers de joueurs extérieurs. Donc là, sur le match face à Dallas. Un petit retour de McBride ne ferait vraiment pas de mal, sachant qu'il y a du Klay Thompson, il y a du Kyrie Irving. Ouais, il va falloir défendre les lignes extérieures. Donc voilà, pour moi, Dallas en plus, c'est l'ancien finaliste. Ils sont un peu les finalistes surprises de la conférence Est la saison dernière, parce que peu pensaient voir Dallas en finale de conférence. Enfin, en finale de conférence, en finale NBA. Donc voilà, si on veut aussi un peu se tester, ça serait bon de faire une belle prestation à Dallas. Donc j'espère. Je pronostique une victoire. Et donc oui, en cup avec la KNF, forcément une victoire. Et puis tu l'as dit, tout le monde roule sur les Pels. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Et puis ça serait vraiment de très mauvais goût de perdre face à la Nouvelle-Orléans au Madison Square Qui Garden. est le nouveau dernier de l'Ouest. Quel nouveau dernier après la victoire des Jazz, du Jazz face aux Knicks. Voilà. Bon, j'espère qu'on va pas relancer que les derniers de l'Ouest. Hein. Mais voilà, encore une semaine avec trois matchs face à des équipes de l'Ouest et une rencontre à l'Est. Trois matchs à l'extérieur. Le road trip va se terminer. Après, on va rentrer dans le mois de décembre. Normalement, un calendrier qui est plus accessible pour les Knicks. Normalement. Mais bon, ça, on verra pour l'épisode prochain. Le mois de décembre est plutôt abordable, hein. Il faut faire le plein de win. Il faut faire le Ah plein de ouais. win. Bon, tout ça, on va peut-être avoir l'occasion d'en parler demain. Parce que oui, on prolonge le rendez-vous, vous le savez maintenant, depuis quelques épisodes. Ce sera l'épisode numéro 7. Hey, hey, hey, Déjà, quoi. l'épisode numéro 7. Déjà l'épisode numéro 7 du Space Knicks Together. Donc on vous retrouve demain Donc soir une de 10, spéciale enfin à la mardi. ringtone. Tout à fait. Et Channing Frye. Channing Frye aussi, qu'on a tendance à oublier, un des très grands shooters pour les bigs. Donc voilà, est-ce que Karl-Anthony Towns va passer à la ringtone au nombre de 3 points inscrits en carrière? On verra. On en parlera peut-être ensemble, mais en tout cas, dans la bonne humeur, ça c'est certain. On va redébriefer la semaine, on aura des petits quiz et des petits focus. Tout ça animé avec notre ami Chappie. Donc c'est rendez-vous demain sur Twitter X, Et pour comme on la l'appelle huitième, il faut maintenant. faire une spéciale Spreewell. Voilà. Oui, ou Danilo Gallinari, ou OG, OG, OG, voilà. Parole à la défense. On verra de qui on parlera dans l'épisode 8, mais en tout cas dans l'épisode 7, dans l'émission numéro 7. C'est mardi, c'est demain, de 19h à 20h sur Twitter. Et puis, on termine, bien sûr, avec le rappel qui va de mise. Le Friday Night Knicks, c'est vendredi pour le match de la Cup face aux Hornets. Seb nous annonce une défaite. Moi, je ne veux pas du tout le Et croire. Eh bien, on on parlera de tout connaît ça en la live. malédiction des viewing parties. On les connaît, attention. Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles. Je C'est... fais. Hey, on joue Charlotte en viewing. Il y a tout pour qu'on finisse avec 140 points Non, non, non, non, non. blowout. Non, non, non, non, non. Je veux pas. Je veux pas que ça nous gâche le week-end. Clairement pas. Voilà, vous avez tous nos rendez-vous. Et nous, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine, une excellente semaine, pleine de win. Oui, pleine de win. On en a besoin. Et puis on en fera encore plus au mois de décembre. Allez, voisins du dessous, très bonne semaine. Je vais Ouais, demander à mes ouais. voisins d'arrêter de faire des travaux, là, parce que c'est pénible. Et puis on vous donne rendez-vous lundi prochain, même endroit, même heure, pour un prochain épisode de Avenix Week. D'ici là, let's go Knicks. Ciao, Ciao, ciao. ciao!